段。 Sekou Koivu, l'ancien capitaine du Canadien de Montréal, aujourd'hui avec les Ducks d'Anaheim. À sa première saison depuis son départ de Montréal, le petit Finlandais a quand même obtenu 19 buts et 33 passes pour 52 points en 71 matchs. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'ancien numéro 11 du CH? Eh bien, c'est parce qu'on est rendu à la 11e émission sur le Terminus. Oh, quel lien! Il y a plusieurs trucs intéressants qui sont sortis dans les dernières semaines et d'autres devraient nous arriver d'ici la fin du printemps. À l'émission d'aujourd'hui, vous entendrez entre autres des nouveautés d'Interpol et de Wolf Parade. On commence le premier bloc avec The Joy Formidable, un trio d'indie pop originaire du pays de Galles, aujourd'hui basé à Londres. Ils étaient au Green Room de Montréal le 5 mai dernier pour promouvoir la sortie américaine de leur album A Balloon Called Morning. De cet album, on va entendre la pièce « Austère ». Ça sera suivi d'un groupe qui bénéficie d'un bon buzz en ce moment en Angleterre. Faut que j'avoue que je viens tout juste de comprendre que les gars ont la tête à l'envers dans le clip de la chanson de Way, « My Heart Beats ». Regardez un peu plus bas sur le site de l'émission pour le voir. On va justement entendre cette chanson-là, tirée de l'album « No Hope, No Future », paru au début de cette année. Le bloc va se terminer avec l'album de Malajub, qui reste encore aujourd'hui mon préféré, tiré de l'album Le Compte Complet, qui remonte déjà à 2004, vous entendrez Le Métronome. Mais tout d'abord, tel qu'annoncé, voici The Joy Formidable. Thank you. Dans le prochain bloc, nous allons entendre Keith Kuna, chanteur et parolier du défunt groupe de Québec, Les Ghouls. Sur son premier album, Les Années Monsieur, on retrouve la poésie quand même unique, brutale, mais très imagée de Keith Kuna, dans un dérambage un peu moins hard rock qu'avec Les Ghouls. On aime ou on n'aime pas, comme d'habitude, mais il faut se laisser un peu de temps pour apprivoiser son univers quand même. La chanson Godichon en est d'ailleurs un bon exemple. Juste avant, un groupe qui fait partie de l'écurie de la confiserie dirigée par Jean-Philippe Fréchette, alias Navet Confit, que j'aime bien, de l'album Tropique du Cancer, sorti en 2009, on va entendre Régulier du groupe Polype. Mais on commence avec Eugène et le Cheval, le projet de deux anciens membres du groupe Bleu, Pierre-Paul Giroux et Philippe Saint-Denis. J'aimais bien l'univers de Bleu, il faut dire. Il semble que enfin Pierre-Paul Giroux a trouvé l'univers qui sied bien à sa voix. Leur premier album, Briser le corps, est disponible gratuitement sur leur site internet. Pour vous en donner un aperçu, voici la pièce Arme de choix d'Eugène et le Cheval. Et ça, c'est sûr, le Terminus. Cette année, il y a Mais c'est pas lampe de rien. Le jardin, je préparais le jardin. Je pends ma fable aux plantes. La pasta, merci, en hauteur, tourbe tournante. Caresse à temps, pleure trop tentant. Chiquet d'endure, craché dans l'urbain. De chiminou qui perd son sang maintenant. Notre temps phobe, les klaxons me l'auront de cent ans. Bon temps des cœurs des sauces ou petits. La paix, un somme de fin de crack dans pagaille. D'un pipi, quatre tapes dans l'assiette à ton voisin. Puis tu chanteras aussi dans les. Oh là là là là, c'est une d'amour. Moi non, chante, ouais. Tes crossettes, tes beaux becs, tes sonnets fausses dans les mourants s'embrassant. C'est un party de petites offenses. Claquant dans ses partances. Tombé d'enfance, chappé dans des spags à venin rosé. Les rubis du monde au collier, les rubis du monde au fjord. Et les passés dans un bochot, dans un songe bassin qui tourne, tourne sur con. C'est un saut fatigant comme des scènes. Pogné, pogné de crispant là. Beden, ça déferle en gang, cling, cling. Ah, rentre et sort, prends ta perche pis tes ressorts. Flac, flac, pitch d'un bord, en cadence c'est parti. Petit, chac, chac, fuck t'es dans les shit, shake comme un gardon ça. Un moment dans tête, pis j'avais des jambes, pis j'avais des jambes tentant. Laissant, le nez rouge laissant, bouteille serrant les dents, porc et sang pour connerie. Bambé, belle, la plaque. Qui s'attaque pour cent de Mac Faco. Ça fait rire ma tante sourire sur une banque. Moi je décrase direct dans ce temps-là. Oh, et ma chant des rodures, perdure, bras, fleurs à plumes. Sort des portes, sort des flaques pour les cheveux gris. Bord de la suite, ton nom dans bassine. Carabore à cent de bine, carabine dans robine. Claque les poules dans fermeture à Hirobi. Tifle au fou sur tes rapides. Les bouclettes et puis les promesses rapports débarquent. Quand tu t'en vas, j'ai tant de mal à. Bel amour, appartement, tes nouveaux meubles pis ton divan. Ensemble, paquet tes sémants. Je te fais des enfants, bah oui, bah oui, bah oui, mais en sans mêlant. Dans l'échelle vers la lune de Carobi, achète-moi du bon bleu d'or pour la gorge de ces petits enfants, tout petits enfants qui sont beaux, qui sont bons. Je suis barré de la lune, moi et le clodo. Dans sa nuit, sans tambour, pirate ange qui se torche pas de couche et dure comme une bonne souche. Tout debout, petite cadence du genre et en chantant. La la la, les citrouilles sonnent. La la la la, fourrière dans police, je voguais dedans la manche. Ample, pis toi dans ce temps-là, pur errance, vieux en neuf, tout en blanc, t'attends ta note, ta douzaine de tes hommes, le ta petite barque pour pourri, sens-tu pars à donc. Dans cette petite engeance, verru dans zéro, t'en ventre, une tarte, santé pour les beaux lacs. Cuilleront-tu rites sur les dents, dans du vent, les fleurs et les petites avances, grimpant les marches vers les nuagers. Veux une place, content que tu caches sa visa, pis sa map est sans d'être pas. La manche, la grenade, si t'es postillon, cartel d'ombre et bouchon, les pitons, pris très bas sur les nouvelles, tant tes sourires sauf pantalon. Plot, plot, l'argent d'elle t'écrasant, le voleur dans sa tournée. Des poubelles parce qu'il s'est pas rendu parasite à paradis, un port les champs à place, gommé d'or, gorgé dans ce temple, mort à tube, qui sourit, se rit, mais rimerait, beau, beau, beau, beau, shit, shit, shit. Petit chant, Gloria, Gloria, la musique et la cigarette au bec se barrer dans le trou, je danse, gosse, gâteau, flotté dans le tantôt, follet dans le palto d'un guenille. Sur des ponts, sur des ponts, sur des chalots, par ressort des diapasons, diamants, des versants, des petits tirants. À chaque aurore. On continue la musique avec les Montréalais de Wolf Parade qui seront de retour avec un troisième album sur l'étiquette Sub Pop le 29 juin prochain. Pour l'entendre sur scène, les gens de Montréal, comme moi, devront attendre les 8 et 9 juin alors qu'ils seront au National sur la rue Sainte-Catherine. Tiré de l'album Expo 86, on va entendre la chanson What Did My Lover Say, en parenthèse, It Always Had to Go This Way, ferme la parenthèse. Juste avant, un autre groupe de Montréal, Pop Winds, avec Elgin Stream. C'est tiré d'un mini-album appelé Understory, sorti l'année passée. Mais allez jeter un coup d'œil à leur premier album complet qui vient tout juste de sortir sur Internet. On s'en reparle bientôt. Mais on commence le bloc avec une formation de la Floride qui est parfois comparée à Postal Service. Mais en les écoutant, on peut penser aussi à CI ou entre autres des Cab for Cutie. De l'album Violet Blue, voici donc Electric President avec la sympathique chanson Eat Shit and Die. Cash a karma and 'cause you're never gonna and dream about the sun. Maybe because of the light, maybe because of the sun. I got a friend who's a genius, nobody listens to him. I got some friends that got famous. Dernière partie de l'émission, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire au info@commercialleterminus.ca. On se quitte avec Rome Romeo, un projet rock'n'roll composé d'anciens membres des Marmottes Aplaties. Le nombre est Fifth Hour Hero. Vous entendrez The Eater, la pièce qui ouvre le mini-album qu'ils ont fait paraître en 2009. Et ça va être suivi d'un avant-goût du prochain album d'Interpol. Le groupe a rendu disponible sur son site internet une chanson qui laisse présager un retour, au bonheur de tous, au son de Turn On The Bright Lights, leur premier album. Pour l'instant, la date de sortie de ce quatrième album n'est pas encore connue, mais ça devrait être pour bientôt. On va donc se quitter avec Rome Romeo et Interpol. À bientôt! make.